Bienvenue parmi nous, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 avril 2008. On l'entend taper sur son clavier et voici Virginie Cossette. Et voici Mathieu Plante qu'on entend jouer sur la console. Bonjour les palmiers. Bienvenue parmi nous. On aime vous avoir avec nous. Oui, je pense que vous êtes vous. Là. Hein? Une chance parce que sinon l'émission serait pas très très bonne sans l'aide de nos palmiers. Non! Hey, ce soir, ça va être la meilleure émission de tous les temps, Virginie. Oui, l'émission la plus chargée de tous les temps aussi, oui. Je crois. On a plein de choses à faire avec vous pendant les trois prochaines heures, dont un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Deux, on va avoir des billets à vous donner pour un spectacle des Maléchés. Trois, on va entendre ce qui se passe cette semaine à Vidon Ladon la question. On parle de traumas familiaux. Et quatre, on entre une entrevue avec Creature qui s'en vient. Voilà, là, est-ce qu'on est capable de rentrer ça dans trois heures? Aucune idée, on va bien voir. On a quelques nouvelles entrées du côté francophone, la seule et unique, on va aller l'entendre dans quelques secondes, c'est Maken Kosapo. Et du côté anglophone, on en a deux. Je t'aime en ce moment, Mathieu. Hein? Ben, j'aime ça de faire prononcer des choses dures. La 15e position, c'est Death to Los Campesinos de Los Campesinos. Et en 14e, The Ballad of Butterbeans de Madman. Bon. Je me suis débrouillé. C'était très beau. On commence par la 15e francophone. Voici Maken Kosapo et Miss Parano dans les Palmarès C'est fou au 89.1. FM. Bonne soirée, les palmiers. Bonne soirée. Je t'en ris un jour, Mathieu. Los Campesinos, c'est Death to Los Campesinos de l'album Hold Now. Hold on now, youngster. Nouvelle entrée en 15e position. Hold on now, youngster. Bravo, Mathieu Plante. Quoi? Ben, tu l'as eu. Ben, merci. Ben, de rien. Ben... C'est un album que je vais me procurer, ma foi. Cool! J'aime ça! Hey, c'est le fun, tu me rends bouche bée à chaque fois que tu dis quelque chose, toi, hein? C'est vraiment... Ben, je suis comme ça, je suis comme une boîte à surprise. T'es bouche béante. Oh, ben, hey! J'aime ça. Ah! Quoi? Juste avant, c'était la 15e position francophone, nouvelle entrée, Maken Kosapo avec Miss Parano de l'album Le Zèbre. Oui. Oui. J'ai, oui. Je vais peut-être me le procurer. Bon, ben, crime, c'est le fun d'avoir ta liste d'épicerie de choses que tu vas te procurer, Virginie. Moi, je trouve ça très pertinent. C'est vraiment... Mais non, mais là, j'ai dit mes goûts personnels en ondes, là, c'est ça? Ben oui, t'es comme Miss Opinion aujourd'hui. Ben là. Oui, hein, comme d'habitude. Une vraie... professionnel du talk radio. Oh hein? Oui, ben oui. Puis cette semaine, j'ai écouté deux albums en repeat à la maison. Lesquels donc? Carquois et Creature. Ah, j'aime ça. Tu vois, un sur deux pour moi parce que j'ai écouté aussi Creature en boucle. Ah! Et la chose que j'ai écouté le plus cette semaine, c'est Bonjour Brumaire. J'ai pas encore écouté. Je commence à capoter sur Bonjour Brumaire. J'aime vraiment beaucoup ça. Et cette semaine, on va les entendre. Ils ont monté pas mal beaucoup depuis la semaine dernière où ils étaient nouvelle entrée avec leur pièce La fin à petit feu. Ça a monté straight to the top presque. Ouh ça. Là là, en effet, hein? Mais je dois t'avouer que j'ai tellement aimé Carquois que j'ai pas pensé à écouter autre chose. Ça me rappelle, ça a comme des airs de choses que tu pourrais aimer, Bonjour Brumaire. Ah. On les entendra tantôt, tu me diras ce que t'en penses. Ben d'accord. Oui, j'ai déjà l'album à la maison, en fait. Pour l'instant, on va l'entendre, les positions numéro 14 du côté anglophone. C'est une nouvelle entrée de Man Man. Leur album s'appelle Rabbit Habits et j'ai bien aimé. En fait, petite parenthèse, Los Campesinos, c'était un des postes d'or à l'émission Le Poste d'écoute que j'anime le vendredi matin, Nouveauté musicale, hein, etc. Ça en était un. Il y a aussi Man Man, qui était un autre poste d'or une autre semaine, et Duchess 16, qu'on va entendre après, aussi un poste d'or. Donc, vous voyez que Le Poste d'écoute met le doigt sur des choses, des fois. C'est ça qu'elle a dit. Donc, c'est ça qu'elle a dit. Le retour des bonnes vieilles blagues. Oui. The Ballad of Butterbeans est en 14e position anglophone. Nouvelle entrée. Et du côté francophone, ma foi, une position qui chute l'épave de Antoine Corriveau, qui est en 6e position la semaine passée, qui se retrouve en 14e. T'es-tu en train de dire que ça a frappé un iceberg, l'épave? Ça a frappé un iceberg. Ça coule. L'épave va couler, peut-être. Oui. C'est triste, par contre. Antoine Corriveau, artiste local, on l'écoute tout de suite avec l'épave. L'épave. 89.1 FM, les palmes. C'est vrai. Oui. We'll be right back. C'est la nouvelle entrée de Man Man, The Ballad of Butter Beans, nouvelle entrée en 14e place anglophone, et c'est vraiment, ma foi, surprenamment excellent. J'adore le petit xylophone, là. C'est écœurant. J'aime ça. J'aime la musique enfantine. Oui. Lorsqu'un Pacino se faisait dans le même modèle un peu. Donc, deux très bonnes nouvelles entrées du côté anglophone. En effet. Du côté anglophone, la 15e, d'ailleurs, est-ce que tu veux que je la répète? Non, c'était là. Francophone. Ah, tu voulais répéter la 15e ben, à ta guise. T'as parlé de nouvelles entrées, enfin, je me suis dit que je pouvais te répéter la 15e anglophone qui était aussi une nouvelle entrée, qui était Death to Los Campesinos. De la formation Los Campesinos. C'est dur à dire, je vais m'habituer. Du côté francophone, la 14e, c'était Antoine Corriveau qui descendait de la 6e place avec sa pièce L'Épave. Malheureusement pour cet artiste local, ça va être sûrement sa dernière semaine. Il va avoir passé 6 semaines dans le top francophone. Peut-être le verra-t-on à nouveau avec une autre pièce de son album. On l'espère. Pourquoi pas. Quand même, 6 semaines, c'est relativement bien, là. L'album s'appelle Entre 4 murs, pour ceux que ça intéresse. On va l'entendre aux 13e position, mais avant... On va tourner la page. Ling, ling, ling. On va savoir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les non-initiés, le palmarès C'est fou, c'est pas seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des disques canadiens et un top 30 des albums. Il ne faut pas l'oublier. Et on commence par le top 10 électronique. Deux nouvelles entrées. En 8e place, on retrouve Client avec Untitled Remix. Et en 7e, il y a Yell Were See, ou à l'envers, Crowley. Je pensais que c'était un mot à l'envers, puis là, je me suis rendu compte que c'est pas un mot à l'envers. Accolation est le nom de l'album. Donc, en 3e position, on a Cassettes Won't Listen de Small Time Machine, avec Small Time Machine, pardon. En 2e position, Quintal avec Translucida. Et en première, Tear Gas and Plate Glass avec Black Triage. Du côté du top 10 Loud, la seule et unique nouvelle entrée, c'est Soylent Green avec Inevitable Collapse in the Presence of Conviction. La semaine prochaine, je te le ferai lire. Merci. En 3e position, In Flames avec The Mirror's Truth. En 2e, Cavalera Conspiracy avec Inflected. Et en 1e, Meshuggah avec Obzen. Top 3 des disques canadiens, une nouvelle entrée, Electrons avec Happymatic, qu'on retrouve aussi dans les palmarès. On l'entendra un petit peu plus tard du côté anglophone. Ça a pas mal monté, ça aussi. Il reste que les positions 2 et 1. Oui, en 2e, Isle of Thieves, qu'on a aussi dans les palmarès avec Only Human et Creature avec No Sleep at All. Côté top 30 des albums au complet, une seule nouvelle entrée en 30e place, c'est The Jealous Girlfriends avec leur album éponyme. En 3e, Louis XIV avec Slick Dog and Ponies. En 2e, The Hives avec The Black and White Album. En 1er, Creature avec No Sleep at All. 3 artistes qu'on retrouve dans nos palmarès cette semaine. Oh, oh, oh, on va les entendre plus tard. Youpi! On s'en va entendre les 13e positions du côté anglophone. Ça monte d'une place, Duchess 16 avec Caught Up. Mais on commence par... On commence par Shotgun avec En Attendant. Dans les palmarès, c'est fou au 89.1. FM. We'll be right back. Autour Duchess 16, Gérald Gentil et Horror Pops dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Oh que oui! Vous êtes au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM, on est rendu à la position numéro 13. Duchess 16 est caught up. Dans quelques instants, ça va être les papalmiers, Virginie. Oui, monsieur! On va parler de quoi dans ces papalmiers, donc? On parle de l'évolution de l'école de 1960 à 2008. Wow! L'éducation évolue tellement! L'éducation, mais surtout les règles. Ah! Restez là, les palmes! Continue! Duchess 16 et caught up en 13e position anglophone, ça monte d'une place. Mais ça monte malheureusement pas dans mon cœur. Comment ça? Je sais pas, c'est mes goûts, hein? Ben oui, c'est subjectif ces choses-là. Non, non, je sais, c'est très très subjectif ce que je dis là en ce moment. C'est comme il y a des gens qui aiment le melon d'eau, moi je suis pas capable, tu sais. T'aimes pas le melon d'eau? Non, je suis pas capable. Ben moi c'est les pommes. Ça goûte rien, les melons j'aime d'eau. J'aime pas les pommes. T'aimes pas les pommes? Non. Qu'est-ce que tu fais? c'est ça. Quelqu'un me dit l'autre fois, genre, comment ça fait que t'aimes pas les melons d'eau? C'est bon les melons d'eau? Ben oui, pour toi. T'sais. Non, mais tu comprends? Moi, j'aime tout ce qui est tarte aux pommes, tous ces trucs-là, j'aime ça. Mais croquer dans une pomme, je suis incapable. C'est comme les cerises. Je déteste les cerises, mais tous les trucs aux cerises, j'adore ça. Est-ce que c'est le goût ou c'est plutôt la texture, dans le fond? Non, même pas. Non, même pas la texture ou la façon que dans ta bouche. Non. C'est louche un peu, par contre, si t'aimes la saveur de la cire, ouais, j'étais pas la cire en tant que telle. Hey, on pourrait faire une chronique alimentaire maintenant, probablement. Ben, pourquoi pas? Hein, chaque semaine, tu nous parles de quelque chose de bouffe. Ouais. Des recettes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des critiques. Ben oui, non? J'aime ça, la semaine prochaine. OK. Au Panara. Mais cette semaine, ce que tu nous apportes, c'est un papalmier. Oui, comme je vous expliquais tantôt, en fait, c'est l'évolution un peu des règles à l'école. Bon. Donc, c'est un exemple, puis ensuite, c'est vu de la version 2008, puis la version 1960. OK, et là, on rappelle aux gens que papalmier, c'est un courriel que ton père t'a envoyé. Oui, courriel de mon papa que j'aime. D'où le nom papalmier. Et voilà! C'est très, très intelligent comme jeu de mots. C'est toi qui l'as pondu. Et palmier, il faut expliquer aux gens que c'est vous. Parce que, tu sais, nos noms de chroniques n'ont pas de sens pour la majorité des auditeurs, je pense. En effet. Papalmier, c'est un papa, puis palmier, palmarès, palmier, c'est vous autres, puis en tout cas. Bref. Bref, fais le don à la place. Ben oui, je vais y aller avec mon premier exemple. C'est tout simple. C'est deux garçons qui entament une bagarre après l'école. Donc, version 1960, la foule se rassemble, Marc gagne, Jean et Marc se serrent la main et deviennent des potes. C'est quand même simple. Mm-hmm. Version 2008. Les policiers sont appelés, l'équipe SWAT arrive et arrête Philippe Olivier et Charles Cédric. Ils confisquent tous les téléphones mobiles sur place et des vidéos de la bagarre sont saisies à titre de preuve. Ils sont tous deux accusés de voies de fait et sont suspendus de l'école, même si Philippe Olivier est l'instigateur. On essaie d'organiser des conférences sur le sujet, mais lors d'une réunion de parents, une minorité s'oppose au projet. On crée alors une table de pilotage qui formera l'étape de concertation nécessaire pour entériner la décision des 6 comités qui auront pour mission d'étudier les faits. 6 vidéos de la bagarre sont diffusées sur Internet. En attendant, Philippe Olivier et Charles Cédric sont libérés contre un dépôt de 2 000 $ chacun et une promesse de comparaître. C'était donc le premier exemple. C'est un petit peu plus compliqué en 2008, hein? Oui, un peu. Ouais, exemple 2. Un élève est dissipé en classe et il perturbe les autres élèves. Version 1960, Paul est envoyé au bureau de la direction et reçoit la banane 5 coups. La banane 5 coups. J'imagine que c'est un peu comme une règle. Il retourne en classe et s'assied bien tranquille et ne perturbe plus la classe. Version 2008, Guillaume Charles reçoit une dose massive de Ritalin. On l'envoie en thérapie, il devient un zombie et est testé positif pour un déficit d'attention sévère. Bon. L'école reçoit un financement additionnel parce que Guillaume Charles souffre d'un handicap. Guillaume Charles décroché abandonne l'école. Maudit Guillaume Ménégil. Guy Charles. Excuse-moi. Merci. Enfant 3. Un enfant brise une glace à la voiture du voisin. Son papa, furieux, le ramasse solidement et lui donne une bonne fessée. Version 1960, Jacques fera plus attention la prochaine fois. Il grandit normalement, fréquente le collège et devient un homme d'affaires prospère. Version 2008, le père de René Roy est arrêté pour maltraitance d'enfants. On enlève l'enfant à son père. Pour son bien, on place René Roy dans une famille d'accueil. Il se joint à la gang de rue. Le psychologue suggère à sa sœur René Reine de se souvenir que son père l'a déjà maltraité elle aussi. Témoin au procès, père va en prison, mère des enfants, une liaison temporaire avec le psychologue. Psychologue obtient une promotion. Et maudit Simon Fernand. Oh là là. J'en passe une couple parce que j'en ai beaucoup. Je vais y aller avec le dernier. Un enfant de 8 ans tombe par terre durant la récréation, s'érafle le genou. Ses enseignants s'approchent, lui parlent doucement, lui caressant les cheveux pour le réconforter. Version 1960, l'enfant est consolé et retourne jouer. Quand même simple. Version 2008, une plainte est portée parce que l'éducateur a caressé une partie du corps de l'autre. De l'enfant autre que celle où était située la blessure. L'éducateur est accusé d'être un prédateur sexuel et perd son emploi. Fait face à 3 ans de prison, l'enfant doit suivre 5 ans de thérapie et l'enfant devient gay. Ben, maudit Gérard Herbie, ça n'a-t-il pas d'allure. Donc, c'était mon papa de nuit de la semaine. C'était excellent. C'est tout le temps excellent, les papas de nuit. Merci, papa. Merci, papa. À papa de Virginie. On s'en va entendre les positions numéro 11. Du côté anglophone, c'est stable avec Horror Pop, c'est Misfit, mais on commence avec... Mon prénom, c'est Gérald, pas Gérard, c'est Gérald Gentil. Yay! Yeah! On l'aime! Gérard, c'est pour ça que j'avais dit Gérard Herbie, c'est... Ah! C'est un prénom, effectivement. Voilà, Gérald Gentil. Non, moi, c'est Gérald. Approchez, mon cher Gérald. Merci, c'est gentil. Non, c'est parce que moi, c'est Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein. Vous connaissez Picsou? Riri, Fifi et Loulou. Mais qui c'est qui est le dernier des canards? Si je vous dis Donard. Oh non, ça fait bizarre. Donard, non. Oh, ça fait très bizarre. Bah, je sais, mais moi c'est pareil. G et G,

Horror Pops avec Misfit, position numéro 11, c'est stable. Troisième semaine de présence, leur album est Kiss Kiss Kill Kill. Un album qui est, ma foi, assez excellent. Hein? Oui, vraiment bon, Horror Pops. Et puis, c'est deux, ma foi, j'arrête pas de dire ma foi. Deux très bonnes 11e positions. Tu te répètes, tu es redondant, tu dis toujours la même affaire. Oui, je sais. Du côté francophone, on avait mon prénom, c'est Gérald, pas Gérard. Ah, enchanté. Mais moi de même. Vous êtes avec Virginie Cossette et Mathieu Plante pour les Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir, n'est-ce pas? Oui, en effet, il reste juste 5 minutes à la première heure. C'est vrai. Ça passe vite cette première heure. Ouh là là. La meilleure, la troisième meilleure, je dis. Oui. C'est dans le top 3, mettons. On est tellement drôle. T'as l'air d'une nunuche. Moi, je suis nunuche. NUNU, CHES, comme à la fin de Gérald Gentil. Il chante ça dans Antoine et il dit NUNU. Encore un deuxième papalmier. Attends. Ben, vas-y, un deuxième papalmier, j'aime ça. Ouais, ben, c'est un peu des jokes poches, connes et drôles. OK. La première étant l'amour, c'est comme une partie de carte. Si t'as pas un bon partenaire, tu dois avoir une bonne main. Une bonne main. À la pharmacie, la vendeuse dit « On a des shampoings pour les cheveux gras, pour les cheveux secs, pour les cheveux normaux. » Et le client de répondre « En avez-vous pour les cheveux sales? » J'aimerais vraiment ça avoir un petit bruit de drum en arrière. Un autre. Après 2 mois de thérapie, mon psychiatre m'a dit quelque chose qui m'a donné le goût de pleurer. Il m'a dit « I'm sorry, I don't speak French. » OK. Bof, un peu ça là. Hein? Ouais, ben moi, je la trouve très drôle, celle-là, en fait. Okay. Le mariage... Ah, parce que t'es en psychologie. Oui. Donc, les blagues de psychologie, même si on push... sont drôles. Sont drôles. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. Le mariage est comme un mirage dans le désert. Palais, cocotier, chameau. Soudain, tout disparaît et il ne reste que le chameau. OK. Je peux arrêter là, si tu veux. J'ai une canne, tu sais, comme des dessins animés, il prenait une canne puis il prenait le cou du personnage. OK. Elle s'en va. Elle s'en tout derrière. C'était Virginie Cossette avec ses jokes poches. T'en as-tu d'autres de même, non? Ça va, c'est ben, tout. J'en ai plein. Ouais, là. Ben, mettons, fais donc semblant que t'en as plus. J'en ai plus. OK. On est rendu aux positions numéro 10. Du côté anglophone, on va l'entendre Supergrass avec Bad Blood qui monte de 5 places. C'était une nouvelle entrée sur la semaine dernière. Et du côté francophone, je suis heureuse, c'est Carquois avec Échappé au sort. Tout de suite, dans les palmarès, c'est fou! Au 89 heures! Dans vos oreilles! Woohoo! Party! La piqûre dans l'âme blessée. Grass avec Bad Blood en 10e position anglophone, ça monte de 5 places. Et du côté francophone, ça ne monte que d'une place, lentement, mais sûrement. Échappé au sort de Carquois. Petit résumé de la première heure des palmarès, c'est fou. Du côté anglophone, de la 15e à la 11e, dans l'ordre, Los Campesinos et Man Man sont les nouveautés. Ensuite, Duchess 16, Gold Frap et Horror Pops. Voilà. Du côté francophone, on avait... Macon Cosapo. Macon Cosapo. Avec Miss Tarano. Ensuite, on a eu Antoine Corriveau, Shotgun, Le Nom, Gérald Gentil et Carquois. On vient avec la deuxième heure des palmarès, c'est fou dans 2 minutes. Reste avec nous. attention, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 avril 2008. Elle s'appelle Virginie Cossette. Et il s'appelle Mathieu Plante. Et vous êtes les palmiers. Pour vous le rappeler. Pour vous le rappeler, au cas où que vous étiez pas au courant, là. Hein? Ça arrive, ça, des gens qui sont... Ben oui! Les palmiers. C'est comme Palmarès, mais... P-A-L-M-I-E-R-S, parce qu'on est plus qu'un auditeur. Ben, j'espère bien! Merci. C'est fou 89 FM, condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, c'est dans les palmes, comme on appelle ça. On est rendu au 10e, au 9e position, oui, du côté anglophone, c'est Mad Caps avec Hear My Prayer, qui descend de 6 positions. Mais juste avant, on va entendre Pachic Chic avec Eddie Morcelé. Tout de suite dans les palmes, au 89.1 FM! Monica, me tromper, je n'y vois que ça. Je sais mini, je peux Jane Bond. Une simple dame, ou Madcap, c'est Hear My Prayer en 9e position anglophone. Ça descend de 6 places. Ouh là là! Triste. Oui. Ils doivent prier pour remonter. Et ils doivent espérer qu'on entende leur prière. Ah! Oh! C'est encore meilleur c'est comme encore mieux, hein? Tu m'as battu. Hein? Et voilà. Mouah. Du côté francophone, c'est stable pour une 4e semaine d'affilée. C'est Eddie Morcelé de Pas Chic Chic. C'est très bon, ça. Là, bon, oui, tantôt, oui. On va entendre nos positions numéro 8, c'est-à-dire Gatineau. Oh, oh. Et Steve-Hill. Mais avant, Virginie, es-tu prête? Je suis prête. J'espère que t'es prête parce qu'on va aller voir ce qui se passe cette semaine. Évitons-la dans la question. Hey, je voulais vous dire, ça fait du bien se revoir tout le monde autour d'un bon repas, toute la famille, hein? Vous pouvez pas? Oh. Oui. Non, vous... Ouais. Voyons, pourquoi vous me faites cette face-là, là? C'est parce que papa... On a des choses à t'annoncer. OK. Allez-y. J'ai appris que j'étais maniaco-dépressif. Le médecin a dit qu'à cause des gènes... Il y a une chance sur trois que nos enfants soient pareils aussi. Oh, ouais. Attendez pas à ça, là, je pauvre. Moi aussi, papa, j'ai une nouvelle plate. Bon, tu sais, comme t'as remarqué, Marco est pas avec nous ce soir, mais parce qu'il s'est fait pogner avant de la coke. Il va faire 6 mois de prison, oh, je suis tellement. Je te l'avais dit, moi, quand tu commençais à sortir pas, avec... Commence pas, papa, OK? Pauvre chouette. Comment tu vas expliquer ça à Delphine? Je veux dire à Petite que son papa est parti travailler pour le gouvernement. Bon, ça va bien, hein? Toi, Martin, je suppose que toi aussi, tu vas m'arriver avec une nouvelle plate. Ouais, moi aussi, j'ai... C'est pas peur. Je suis bien content que ça petite mon homosexualité. Mais il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Tu sais, je t'avais dit que... J'aimais mieux, moi, sodomiser comme faire sodomiser, mais finalement, j'ai découvert que j'avais bien du fun à me le faire faire. Voyons! Oui, allô? Oh, pas vrai, oh shit! Hein? C'est l'hôpital! Ils viennent de nous apprendre qu'une préposée qui a touché grand-papa! Oh, voyons! Oui. Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, pour que ma famille vienne aussi mal? Maudite société de fous! Maudite société de... Ton arrière-grand-père était au bord du désespoir. Et puis ta grand-mère te dit qu'elle était pas belle à voir. Vidons-la dans la question. C'est ce qui s'en vient cette semaine à l'émission d'Humour Extrême. Vidons-la dans la question, diffusée les mercredis à midi, les vendredis à 9h et les samedis à midi avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Vidons-la dans la question avec un nouveau site web au vidonsladon.com. Oh! Pour aller entendre l'émission de la semaine au complet, ça vous intéresse, balado diffusion, là, c'est le mot a été fait pour Vidons-la dans la question. Balado diffusion, ça rime, vous voyez le genre. Donc allez-y tout de suite, vidonsladon.com. J'y vais de ce pas. Bon, ben tant mieux. Et les gens qui aiment Vidons-la dans la question, cet été, là, vous allez être plutôt choyé. On en reparlera. Hein? Beaucoup de diffusions de Vidons la dans la question. On s'en va entendre les numéros 8 du côté anglophone. C'est Steve Hill avec Long Road qui monte de 5 places. Mais avant, Gatineau! Avec Rap Maudit! Parleur assez fou, 89.1. FM! Sortir mes maudites images, mais quand je me penche sur elle, la feuille reste blanche. Votre entrée, je vis à mon boulevard étage pour que le public, ben que je monte. Saigner pour le poème, limité pour le thème. Oh, it's a lame. Vite autant le fond de la forme comme il faut. Ça sent que mes sonnets sonnent. Finalement, faut que je l'embrasse. Parler de syndical, c'est toute la longueur de mes lignes horizontales. Mais la seule pause qui se pose pour poser, c'est brutal. Je laisse ça sortir. Je retiens-tu le flow? Ou je prends la balle? Ben joue sérieux? Ou carnaval? Je laisse du libre cours au mot qui est dans mon âme, des balles! Faites-moi littérature qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites, cela même qu'on essaie de se déciler en tacite. Des va-vient d'envergure, au fur et à mesure j'essuie la suite sur ma figure. Enfin l'en peu de jus qui s'agite, que par ma flamme la même que la flamme elle ressuscite. Me voir dans le miroir, dans le crâne noir, dans le blanc des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, amène mon écritoire, avec mon répertoire et la balade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Que ça soit c'est beau, MC Baruté, oh. J'attends le poème signifiant. Certifié à mon talent, tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils, tout en défiant. Dans ma demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne pour moi une source d'angoisse. J'ai tant dit des textes en terre que je laisse en ardoise. Comme des poèmes disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardonne pour fixer forêt pour mon déboise. Je l'excite, moi d'assis, mes vestis. Mes textes excités, l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Le pourquoi je les chante avec tant d'intensité. Une pièce qui s'appelle Long Road, montée de la 13e maintenant en 8e position anglophone. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Ouh là là, ça monte vite quand même, hein? Mm-hmm. Pas si une long road que ça? Ben non, la longue, la route n'a pas été si longue que ça jusqu'au sommet de la montagne. Ben non. Ah, mais si, je prends du bon jeu de mots. Pas pire. Ouais, juste avant, on avait Gatineau avec Rap Maudit. J'ai vraiment pas gagné l'habitude de le dire comme ça. Hein. Maintenant, même quand j'en parle à l'extérieur de la radio, je dis Gatineau. C'est dans quelle pièce qu'ils font ça déjà dans. Dégage. Ah, oh, c'est une bonne pièce, dégage. J'aimerais ça avoir le temps de la faire jouer d'ici la fin. Je suis d'accord. On va essayer. On a beaucoup de choses à faire ce soir, mais on va essayer. Oui. Parlant de beaucoup de choses à faire, la prochaine chose qu'on va faire, c'est le palmarès des CD les plus écoutés dans les radios universitaires avec earshotonline.com. On commence par la 10e, c'est The Kills, en 9e, Black Mountain, en 8e, Hellotrons. Jusqu'à maintenant, des choses, Black Mountain puis Hellotrons, des choses qu'on joue assez fou. Ouais. Hein? Ensuite, en 7e, Destroyer, en 6e, The Breeders, 5e, The Black Keys avec leur album Attack and Release. En 4e, c'est Nick Cave and The Bad Seeds avec Dig, Lazarus Dig. En 3e, un autre groupe qu'on aime bien, Plants and Animals avec Park Avenue. En 2e, The Constantines. Et en 1ère, c'est l'album éponyme de Crystal Castles. Voilà, toujours pas reçu. Toujours pas, c'est ça, je m'en allais te demander si on l'avait reçu, puis s'il était peut-être pas sur les palmarès, mais on l'a toujours pas ici. C'est bizarre quand même, ça joue beaucoup ailleurs. Oui, c'est ça, il faudrait s'informer pour l'avoir. Donc c'est le palmarès des CD les plus écoutés dans les radios universitaires. Tantôt, on fera le top des CD les plus vendus au Canada. Et puis, ce qu'il nous reste à faire aussi, c'est écouter l'entrevue avec Creature. Oui, j'ai bien hâte de l'entendre, cette entrevue-là. Creature qui est en spectacle demain soir, samedi, si vous écoutez en direct, ici même à Trois-Rivières, à l'Embuscade. On en reparlera tantôt et on a aussi des billets pour les Maléchés à vous donner. Oui, un groupe de rockabilly. Mais pour l'instant, on va entendre nos positions numéro 7 du côté anglophone, c'est Plants and Animals avec Bye Bye Bye, c'est stable. Mais juste avant, le Roi Poisson avec Premier Rang qui était en 5e position la semaine dernière. C'est dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89.1. FM. Dans vos oreilles. Oui. Dans vos oreilles. Dans nos oreilles. Dans vos oreilles. Dans mes oreilles. Dans les miennes, dans les tiennes, dans les nôtres. Dans la gauche, dans la droite, dans les deux. Partie Le caoutchouc se mitraille et les cocktails sont servis. Un refoulement humain jusqu'au cœur des ruelles. La manifestation pacifique n'est qu'une guerre éternelle. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Le Roi Poisson avec la 7e position francophone. On s'en va entendre la 7e anglophone, Plants and Animals. Mais restez avec nous parce que dans quelques minutes... C'est l'entrevue avec Creature. Oh, oh, oh, oh, oh, c'est excitant, ça. Woohoo! What's gonna happen to you? You have woke up too soon and found the world rain. And now your feelings have changed. Say goodbye to you before. Plants and Animals avec Bye Bye Bye, stable en 7e position anglophone. Oui, j'aime bien. C'est aussi un album que je vais écouter cette semaine parce que cette semaine, j'ai été trop préoccupée par Carquois et Creature. Oh. Je m'en excuse. C'est dur, la monogamie d'album. Oui, tellement. Juste avant, c'était du côté francophone, Le Roi Poisson avec Premier Rang qui descend de 2 places maintenant, Virginie. Maintenant, je me souviens. Ouh là là. On s'en va écouter une entrevue. Oui, on se transporte. On se transporte. On se transporte. Transporterait, qu'on dit, c'est le verbe. Oui. On s'en va rejoindre de Danny Janvier qui a reçu en entrevue ici dans les studios de C'est Fou le groupe Creature qu'on va entendre un petit peu plus tard à l'émission en musique. Mm-hmm. Le voici tout de suite. Creature au palmarès. C'est fou. Ouais. Bonjour, aujourd'hui, il faut avoir le bonheur de recevoir un membre de Creature, une formation post-punk, disco-funk. Et puis en ligne, on a qui donc? Carl Bella from Creature. Yes, salut. Ça va bien? Oh, ça va super bien. Qu'est-ce qui nous vaut cet appel? Oui, on vient juste de sortir notre album, No Sleep At All. Puis on amène le party chez vous. On va aussi faire quelques spectacles à Trois-Rivières, à Québec, tout partout, à Toronto. Je viens juste d'arriver de New York et c'est ça, on fait des grandes tournées partout au monde. Ben parfait, on est dans un gros buzz, Creature. Comment t'expliques ça? Le gros buzz, ben ça fait 3 ans qu'on est ensemble, puis le buzz s'est commencé à Montréal, parce qu'on vient de Montréal, et c'est ça, on a commencé à jouer des tunes, toutes sortes de différentes tunes, puis on jouait, on a fait notre premier spectacle il y a 3 ans, puis là, tout le monde voulait plus de tunes de danse, fait qu'on s'est dit, hey, c'est peut-être notre point fort. Tout le monde veut avoir du fun, quelque chose de positif. Fait qu'on est allé dans le studio, puis on a réécrit toutes ces chansons. Puis quand on dansait dans le studio tout seul, on disait « Ah, c'est un hit! » Ah, cool! Vous avez un super beau vidéo, Pop Culture. Comment s'est passé le tournage? Oh, c'était tellement fun parce qu'il y en avait 16 danseuses. Puis il y avait des chorégraphies, plein de sortes de costumes. Puis ils étaient tous habillés dans les paillères rouges. Comme ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Ah ouais, c'est super. Vraiment, le duo est très, très joli. Et pourquoi le nom Creature? Parce qu'on veut vraiment sortir la bête sauvage dans tout le monde quand il danse, quand il bouge, quand il sort. Même la vie quotidienne, c'est vraiment quelque chose que on veut pas se sentir. On veut se libérer. On veut pas se sentir comme plein de pression. Faut être de même. Faut habiller comme ça. Vraiment comme se laisser aller puis laisser la créature sortir dans toi. C'est bien ça. Justement, vous êtes en spectacle le 19 avril à Trois-Rivières à l'Embuscade. À quoi qu'il faut s'attendre en spectacle de Creature? Oh, le spectacle est super le fun parce que on est très, très, très super, duper sexy, premièrement. Non, en réalité, là, c'est vraiment quelque chose où est-ce que tu peux venir juste nous regarder parce que c'est le fun, parce qu'on bouge, on est excité. Tout le monde a écrit les tunes, c'est vraiment une démocratie, donc tout le monde est excité pendant qu'on joue. Puis le live show est vraiment quelque chose à voir. Il y a beaucoup, beaucoup de cloches à vache. Moi, je m'appelle Cowbella parce que Cowbell en anglais, c'est cloche à vache. Puis il y a des brillants, il y a des mouvements chorégraphiques, mais la chose, c'est que tout le monde peut danser s'ils veulent. Sinon, c'est vraiment les tunes pop énergiques et fun. Donc, ça va être vraiment une soirée de cool. Ouais, c'était la première partie de l'entrevue avec Creature réalisée par Danny Janvier. On va entendre la deuxième partie dans à peine quelques minutes après la pause. Et aussi après la pause, on va entendre la musique de Bonjour Brumaire et de Black Mountain en 6e position. Alors restez avec nous. Ah, c'est fou. 89.1 FM. Pourquoi? Dans vos oreilles. Yeah. Oui, c'était décousu un peu. Oreilles. Yeah. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Voici la deuxième partie de qui donc? The Creature. En entrevue au 89.1. FM. c'est un trip de gang quand même, Creature. C'est, peux-tu nous parler, juste nommer les membres avec toi? Oui, il y a Kim Ho qui est sur le guitare, puis il fait les vocales avec moi, Carbella. Nous deux, on fait les vocales rap, des fois chantant, vraiment accrochant, you know, really catchy. C'est lui qui chante avec toi dans la vidéo? Oui, c'est lui qui chante avec moi. Ensuite, il y a Gina Simmons qui joue la basse, puis elle chante des backups. Puis il y a Sid D qui est batteur, puis il chante aussi. Gina Simmons, la Gina Simmons. Exactement. Elle a les cheveux noirs, elle est grande, puis elle aime se maquiller. Bon, ben c'est parfait, ça. quelles sont vos influences? Moi, je les ai lues, là, mais pour nos auditeurs, vos influences musicales, ça serait quoi? Outkast. Blondie, The Clash, who else? Prince. Il y a beaucoup de monde qui disent que Kim, il ressemble à Prince pendant qu'il joue. Et je vais dire, c'est probablement parce que ils ont beaucoup d'allure sexuelle sur la scène, mais aussi ils dansent. Mais l'influence, c'est que les deux, Prince et Kim, ils adorent Jimi Hendrix. Ah, cool. Ouais. Puis, mettons, en bus ou dans la van de tournée, qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment? En ce moment, c'est Hot Chip. On aime M.I.A. beaucoup, beaucoup. Kanye West, super cool. Puis là, beaucoup de chansons un peu plus vieux, là, comme les Talking Heads, Tom Tom Club. Puis beaucoup de Afrobeat. Vous voulez aller partout sur la planète, vos buts, vos objectifs? On va aller en France pour jouer des festivals en octobre. On s'en va aux États-Unis au mois de juin. Puis le but, c'est vraiment d'aller faire des tournages, des tournées, puis faire une autre vidéo encore avec les mêmes danseuses. On aimerait faire ça pour Brigitte Bardot. Puis toute plein de filles blondes, là. Ce serait le fun. Et c'est ça, aller partager le party avec tout le monde. Ah, c'est bien. Nous ici, en tout cas, juste te dire, dans la radio ici où je travaille, ça fonctionne très bien. C'est Brigitte Bardot qui roule. Et là, les gens apprécient vraiment, c'est sur le palmarès, tout ça. Oh, merci! Donc, je voudrais te remercier, puis peut-être rappeler justement qu'il y a un spectacle le 19 avril à l'Embuscade à Trois-Rivières. Puis la pièce que tu voudrais qu'on écoute en quittant pour terminer cette entrevue? OK, moi j'aimerais Pay Up. OK. C'est plus punk, puis c'est dansant, puis le monde aime ça en show live. Bon, ben merci beaucoup, Carbella. Merci à toi. Merci, salut. Ciao. Schemes, pulling on the Creature avec Pay Up. Est-ce qu'on peut espérer que ça rentre dans les palmarès? Peut-être un jour. Quoique Bridget Bardot est quand même très excellente, mais Pay Up aussi, ça défend, ça déchaîne. Ça déchire. Ça déchire. Ça déménage. C'est payant. Ah oui, c'est ça, c'est très payant pour ces fous. Donc, c'était, comme on disait, Creature. Juste avant, c'était l'entrevue avec Creature réalisée par Danny Janvier. Si vous voulez entendre l'entrevue au complet, vous allez la retrouver très bientôt sur le cfou.ca. Ou sur lunechance.com. Et sur lunechance.com, mais là, il va falloir écouter l'émission au complet. C'est une meilleure idée, ouais, t'as raison. Allez sur lunechance.com, réécouter les palmes au complet juste pour l'entrevue. Et voilà! Très, très bonne idée. On est rendu aux positions numéro 6. On va aller entendre du côté anglophone Black Mountain avec Stormy High qui monte de deux places. Et du côté francophone, juste avant, on va entendre Bonjour Brumaire avec La fin à petit feu. Tout de suite, dans les palmes assez fous au 89.1. FM. C'est dans vos oreilles, vous adorez ça. Oui! Je n'ai pas arrêté de voir ailleurs comme un terrain miné. Mes jours à flotter derrière toi sont comptés. Et songer aux instants rompus, est-ce avouer qu'ils sont trop présents? Le vent ne transportera plus tous ces moments. Non, non, non, non. Non, non, non, non. C'est à ne pas savoir comment s'y prendre. Non, non, non, non. Je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, la fin c'est une longue entente. Plus on y songe, plus elle est fébrile. La certitude c'est une conne qui se défile. Je n'ai pas arrêté de croire qu'ailleurs ce ne sera pas comme ici. Les soirs à traîner derrière toi sont écrits. Je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne sais pas lire entre les lignes. C'est à ne plus savoir comment s'y prendre. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai pleureux qui part, qui disparaît à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai peureux qui fuit, qui disparaît à petit feu. Rien de tout cela n'est fini. Même si je pars à petit feu, parce qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu. ashes on your trail, my lord. The storm is stormy high. You've been dying to be set free. Oh, curse those hunting hounds. Doctors and dentists for pills. Watch for the ones that don't crack. But they're dangerous like barbed wire toys. Oh, stormy, stormy minds. Que quelqu'un est bandé sur quelque chose dans la vie puis à la radio, c'est pas chic. Hein? Non. Ça n'a pas de classe du tout. Tu l'as quand même dit hors d'onde. Oui. Tu m'as dit, c'est vraiment déplacé ce que je viens de dire là, puis ouais. Tu l'as répété en onde. Ben, c'est une réflexion comme ça. T'sais. Utilisez pas ça dans la vie. C'est pas beau de dire que quelqu'un est bandé sur quelque chose. Utilisez-le pas plus à la radio. C'est habitant un petit peu. Okay. Donc, c'était les positions numéro 6. Du côté anglophone, on vient d'entendre Black Mountain avec Stormy High qui monte de 2 places. Puis juste avant, une grosse remontée de 15, 14, 13... Ben, en fait, tu pourrais compter de 15 à 10, ça fait 5, plus 4, ça fait 9. Une remontée de 9 positions avec la fin, un petit feu de Bonjour Brumaire. J'aurais pu faire 15 à 5, puis en soustraire 1, ça aurait aussi fait 9. J'aurais pu. Hein? J'aime mieux compter sur mes doigts. Bon, c'est bien ça. Merci. Ça te fait très bien. On est rendu aux positions numéro 5 du côté anglophone. On va aller entendre Halo Trans dans quelques minutes, mais avant ça, Éléphantine avec En attente d'un moment présent. Et avant ça. Excuse-moi. En attente de Éléphantine, en attente de. Ouf. On va regarder ce qui s'est le plus vendu en termes de CD au Canada. Selon Nielsen SoundScan, top 50, nouvelle entrée en 46e pour Nick Cave and the Bad Seeds avec Dig Lazarus Dig, qui est aussi dans notre palmarès de top 30 des albums, en fait. Oh! Mm-hmm, très bon, ça, très bon choix. En 12e, Jean-Pierre Ferland avec Ce soir-là. Hein? Une chance que je t'ai. Une chance. Troisième position, c'est aussi une nouvelle entrée pour Ghosts 1 through 14 de Nine Inch Nails. Très bon ça, très très bon. En deuxième, c'est l'ancien numéro 12, ça a monté de 10 places Feist avec Reminder. Et en première position, c'est tout nouveau, c'est Leona Lewis avec Spirit. Mais je peux dire qu'on adore la deuxième position. Feist, bien sûr. Je sais jamais comment prononcer son nom. Ben c'est Feist en fait. Feist? Il y a des gens qui disent Feist. Feist. Fest, fest encore pire. Fest. Moi, je pensais que c'était laid en disant feast. Mais en tout cas. Bref, mais j'adore Feist. Elle. La fille. Oui. Ouais. En tout cas, t'sais, j'ai pas la seule référence que j'ai pour la prononciation, c'est j'ai entendu à la télé. Donc, Feist. Hein? Tu sais, quand c'est à la TV, c'est que c'est vrai. Comme ce que tu lis sur Internet, c'est forcément vrai. Hein? Oui, mais ce que tu entends à la radio n'est pas toujours forcément vrai quand c'est moi qui le prononce. Ah, surtout pas bon non plus, disons qu'on n'est pas infaillible. Hein? Non. Cinquième position anglophone, on va entendre Hello Trons, comme je disais, avec Emergency Street. Mais tu l'as dit juste avant, c'est Elephantine. C'est Elephantine, en attendant le moment présent. Et si vous entendez des bruits de madame qui parle au téléphone, c'est dans la pièce. On tient à le dire parce que des gens qui nous appellent « Hey, votre téléphone est décroché ou votre téléphone est en onde. » Non. Non. C'est concept, c'est une pièce concept. C'est très, très, très bon. C'est la toune qui joue à radio, les amis. C'est dans votre radio. Ouvrez grand les oreilles. Voici Elephantine. Allez, marche, marche, marche. Les Fantines et on attend de moment présent, cinquième position francophone, montée de 2. C'est la fin de la deuxième heure des palmarès. Déjà, il ne reste qu'une heure. Ah, une heure pour entendre les positions 4 à 1 ainsi que le numéro 5 anglophone. Juste après, ça va être Hello Trans avec Emergency Street. Aussi, à venir dans la troisième heure, on va avoir des billets pour le spectacle des Malléchés. Hein? Et on va parler de qu'est-ce qu'il y a à faire à Trois-Rivières, donc? Oh, plein de choses. Hein, ça va être la chronique, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Ben, je reste assez fou, puis j'écoute les palmarès avec Virginie Cossette et Mathieu Plante. Oui! Oui, restez là! Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 18 au 24 avril 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Et je m'appelle toujours Virginie Cossette. Et vous êtes toujours les palmiers. Oui. Et vous êtes toujours avec nous. On l'espère. Hey, c'est le fun. Tantôt, on n'a pas fait le résumé de la deuxième heure, donc on va le faire tout de suite. On va le faire maintenant. Ah, on commence par le côté anglophone. En 9e, il y avait Mad Caps avec Hear My Prayer. En 8e, Steve Hill avec Long Road. En 7e, Bye Bye Bye de Plants and Animals. En 6e, Stormy High avec Black Mountain. Et on s'en va entendre la 5e qui monte d'une place Emergency Street de Hello Tron. Avec Hello Trans, c'est bien ça. C'est Ouh. Bien de Hello Trans. C'est pas facile. Formation canadienne. Oui. Oui. Du côté francophone, en 9e, on avait Pas Chic Chic avec Eddie Morcelé. En 8e, Gatineau avec Rap Maudit. En 7e, Le Roi Poisson avec Premier Rang. En 6e, Bonjour Brumaire et à Petit Feu. La fin à Petit Feu, pardon. Et en 5e, j'ai de la misère avec mes chiffres aujourd'hui, on vient d'entendre Éléphantine avec En attendant un moment présent. Bon, ben ça c'est fait, c'est dit, ça. C'est fait, c'est fini. Je vous reste à faire d'ici la fin de l'émission, d'ici la fin de la troisième heure, les billets des Malléchés et on va peut-être balayer le plancher. Peut-être. Je pense qu'on va parler de gens stupides qui font des choses stupides. On devrait avoir le temps, je pense qu'on est correct. Et tout de suite, voici la position numéro 5 anglophone, c'est Hello Trans et Emergency Street. C'est une urgence. Oui, oui, oui, oui. Oui, allons dans la rue. Oui, oui, oui. Full facts. La formation canadienne Halotrons avec Emergency Street qui monte d'une place en cinquième position anglophone. Oui, on aime ça. On adore Halotrons. On est rendu à nos quatrième places, mais avant les quatrièmes places, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Ben, en fait, on a quelque chose. Je t'ai inclus là-dedans. Oui, ben merci. Hein. C'est parti l'équipe quand même. Ben oui, quand même. Hein. Ben, je suis quand même très présente. T'es là. En tout cas, moi, je te vois. Ici, là, c'est un petit peu difficile, mais je te vois. T'es au loin. T'es... Oui, en arrière de mon micro. Oui, derrière la forêt de micros du studio. Oui. Tu sais, non, avant ça, sérieusement, avant de passer aux positions numéro 4, on a deux paires de billets pour un show de décrochage du 25 avril prochain. Donc ça, c'est de l'art, du décrochage d'art. Tu sais, le vernissage et le décrochage. Donc, on fait tirer les billets. On a... combien on en a ici dans la pile? On a deux paires. Deux wow. paires? Mais oui, tu viens de le dire. C'est vrai que je viens de le dire. Tu t'écoutes pas quand tu parles? Ben non, mais tu sais, je lis ma feuille. Ben ouais. Donc, il y a le groupe Les Maléchés, un groupe originaire de Trois-Rivières. Ils ont joué presque partout en ville, là, au Gambrinus, au Tipob, à l'Embuscade, au Nord-Ouest. C'est de la musique un peu rockabilly, années 50 francophone. Oui. Si vous voulez aller les entendre, c'est le lesmaléchés.com. D'accord? www.lesmaléchés.com. Ça se passe le 25 avril à 21h avec Les Maléchés à la Galerie d'art L'Appart sur Saint-Antoine au centre-ville de Trois-Rivières. Les billets sont 5$ en pré-vente, 7$ à la porte. Si vous voulez plus d'informations et pour acheter les billets, c'est le 819-379-6442. 819-379-6442. C'est ma dernière chance de voir l'exposition style BD de Mathieu Maurras et Véronique Fortin. Mathieu Maurras est un ancien étudiant et Véronique Fortin est diplômée en art de l'UQTR. Donc, BD, pin-up, tatou, portrait, illustration, art, gore et encore plus. Donc, c'est à la Galerie d'art L'Appart sur Saint-Antoine, le 45 Saint-Antoine au centre-ville de Trois-Rivières. On a deux paires de billets pour le spectacle des Maléchés. Donc, à partir de 21h en cette date-là, si vous voulez nous téléphoner, c'est le... 376-5183. Dans le 819-376-5183, on attend vos appels dans à peine quelques secondes, surtout que la pièce commence pour les Maléchés. Très bon groupe de rockabilly. Voici tout de suite du côté anglophone Isle of Thieves avec Hollywood Clef. Les précédés de... Précédés d'un groupe que j'apprécie particulièrement, Chocolat avec Piano Élégant. Appelez-nous tout de suite. Le signal, c'est maintenant. 819-376-5183. Là, le vendredi soir seulement, un rooster en direct du vendredi soir. I'm Thieves avec Hollywood Cleflip. Un album que je vais me procurer, me dit-on. Hey, t'as beaucoup d'argent, toi, t'es riche. Ouais. Tu t'en procures beaucoup, l'album. Oui, quand même. Ça monte d'une place, 7e position. Juste avant, c'était Chocolat avec Piano Élégant qui est stable. En fait, c'est en 4e position. C'était en 4e la semaine dernière et ça fait 4 semaines que c'est là. Donc, c'est jackpot total. On aime ça quand ça arrive, des choses comme ça. C'est rare. 419, comme on dit. Tu te rappelles au primaire? Oui. 419. Mais t'étais au primaire bien avant que je sois au primaire. Évidemment. C'est pas tous les jours que je connais même avec une fille de 12. Là, allô! Ok, tantôt on va entendre les pièces numéro 3. Oui! Hein? C'est une bonne affaire, ça, je pense. Ben oui, 3. 3, c'est parce qu'on rentre dans notre top 3! On n'a jamais brandé notre top 3 comme étant un top 3, on l'a jamais dit ça. Ben non, puis pourtant, on fait les top 3 de tous les autres palmarès, puis on fait pas les notes. Bon, commençons à brander nos blocs un petit peu plus. Soyons très marketing. Ouais, ouais. Hein? On a eu nos positions vedettes de la semaine. Ouais, pourquoi ne pas avoir notre top 3? Avec des gros canons en arrière, puis des bruits de train, puis de sirènes. Ouais. Donc, en troisième position. Wow, c'est un beau beat, ça. C'était beau. En fait, ça, je vais prendre ce beat-là comme fond. Continue. OK. On s'en va entendre au numéro 3 du côté anglophone, Louis XIV avec Guild by Association. On commence avec Sorong, remixé par Asirka en 1981 dans les Palmarès. C'est fou! Dans vos oreilles! C'était merveilleux, ça. Yeah. to say. Everything I deserve today is going to come true. How about you? No, you never thought you'd be in this place right here, where we're at. Well, there's something we must confront now. Louis XIV et Guilt by Association. Titi, ça finirait cette chanson-là. Certains étaient complètement en train de jaser et chercher des CD. Genre. Oui. C'était beau à voir. Ouh là là. Ça fait de la belle radio. Oui, monsieur. Donc, ça, c'était Louis XIV, Guilt by Association, l'ancien numéro 2, maintenant numéro 3, leur album Slick Dogs and Ponies. Quoi? C'était notre position numéro 3. T'es un petit peu trop enthousiaste par rapport au numéro 3, par exemple. C'est le numéro 1 qui doit nous exciter. Ben, attends de voir quand je serai rendu au numéro 1. Ce n'était qu'un avant-goût. Et voilà. Je sors bien plus tard. Juste avant, du côté francophone, c'était Zuru remixé par Asirka avec 1981. C'est stable, 7e semaine de présence et ça ne va qu'en montant, ça. Oui, et on espère que ça va continuer de monter. Ça remonte dans le temps aussi. Peut-être jusqu'à 1981. Ah, c'est beau. Hein? Peut-être qu'on est assez fou 89. Parce qu'on est la station numéro 1. On pourrait dire, on pourrait faire dans nos pubs la radio universitaire numéro 1. Ou la radio campus numéro 1. J'adore ça. Je pense qu'on fait ça dans la prochaine pub. OK. On peut rester fou à la radio numéro. Attends, non, la radio campus numéro 1. J'ai vu un sketch vraiment drôle d'une émission de télé qui faisait le même spot, OK? J'écoutais ça ce midi. Okay. Plusieurs spots. OK, dans le fond, les animateurs étaient absents de leur émission, OK? Fait qu'il y avait des remplaçants. Puis les autres, ben, ils faisaient un spot, les vrais animateurs faisaient un spot comme en supposé live. Okay. Mais c'était tout le temps le même spot à chaque jour, c'est juste qu'ils changeaient la voix dessus, tu sais. C'est-à-dire, nous sommes en direct d'un volcan. C'était vraiment drôle, vraiment. Wow! Drôle. Ah, d'accord. Quelle tranche de vie fascinante de ma part. Vraiment. Fascinant. numéro 2. Du côté anglophone, numéro 2, c'est The Hives avec Won't Be Long. Oh, et ça, c'était numéro 1 la semaine dernière. Oh là là. Et en deuxième position, côté francophone, on a Danny Placard avec Slush. Tout de suite, au palmarès, c'est fou, au 89.1. En direct de votre salon. Ou de votre voiture. Ou de votre ordinateur. Bonne journée ou bonne soirée. On est avec vous jusqu'à dans 20 minutes. Encore, il fait frais, il vente fort. Je suis gelé de bord en bord. Je commence à trouver que l'hiver est long cette année. Je vais fouler mon pick-up pour m'en aller. Ça dure depuis 6 mois. Les bandes neiges sont rendues aussi haut que quand j'étais flot. Je reste couché pour oublier que je pourrais geler. Je suis bien emmitouflé dans mes couvertes, les yeux fermés. Je rêve que je me fais griller sur ma galerie, pis que c'est l'été. Ça dure depuis 6 mois. Les neiges sont rendues aussi haut que quand j'étais flot. be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. Avec Won't Be Long, le numéro 2, l'ancien numéro 1. Oui. Mais ça prendra peut-être pas de temps, Won't Be Long, avant que ça revienne au top. Oh, peut-être, là. Ça prend pas trop long. Non, c'est ça. Mais c'est tellement une bonne pièce. Tu sais, rien contre la numéro 1 présentement, même qu'on adore non, la non, numéro 1. Non, oui. On adore ça. On vénère ça. Le numéro 1, en fait. Mais c'est ça. Hein? Telle une créature venue du ciel. Oui. Pour la vénère. Oui. Et, du côté francophone, c'était Slush de Danny Placard et c'était nos positions numéro 2. Ah oh, oui? 2, 2, 1, 1, nos positions numéro 2. Presque au sommet. Une petite coche de plus et c'est parfait. On devrait s'enregistrer des bumpers demain. On devrait. Mais attends, la numéro 1, là. Oui, numéro 1, j'ai très hâte d'entendre ça, de voir la petite danse qui va avec aussi. Maintenant? Maintenant? On présente nos numéro 1 là. Ben oui, mais on dit pas c'est quoi, mais on les présente. Donc, okay. Les voici, attention. Non, numéro 1. Non, non, numéro 1. Non, non, numéro 1. Non, numéro 1. Elle nous a créé un petit peu d'attente avec ça, puis c'est tout ce qu'elle a réussi à trouver, mais... C'est correct, hein, monsieur. Je m'attendais à plus de toi, vu que ton numéro tout est si bon que ça. C'est non, numéro 1! Ça, c'est excitant! Numéro 1, donc on s'en va entendre une pièce là, tu sais, on n'a pas besoin de dormir pendant ces pièces-là parce que c'est trop entraînant, donc on ne dort pas. Regarde le nom de l'album. Attends. Ah, oh, là, c'était plus recherché. Oh. D'habitude, je fais des jeux de moi que les noms des pièces et des artistes, mais là, c'était plus recherché. On dort pas du tout quand on écoute cet album-là, en non. effet. Hein, et c'est comme très merveilleux. C'est comme, tu sais, des fois, attends deux secondes. Tu sais, des fois, on s'endort la nuit, OK, il y a la télé d'allumée. Ouais. C'est un film avec une actrice française quelconque, mettons au hasard, Brigitte Bardot. Elle est belle. Hein? Elle est vraiment belle, tu sais. Une belle créature, on pourrait dire. Une belle créature. Une belle créature. C'est donc fantasmagorique quand on la voit. Ah, ben oui. Et on a envie de payer des gigolos. Ben, crime. Je n'ai guère rien d'autre à dire à du monde comme toi. Non, mais écoutez les pièces, puis vous allez capoter sur mes jeux de mots. C'est comme incroyable. Non, jeux de mots. Non, jeux de mots, excuse-moi. C'est parce que le tien était pas si drôle que je t'inclus pas là-dedans. Là. everywhere I go. Things are getting heavy and it's keeping me low. I've got to get away from the world I know. Break free, let it be out of control. Flip side, right side, all around. Time to listen to my rhythm and leave this town. Cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up to get down. Donc, au numéro 1, ça c'était bon. Ouais, j'en ferai pas mon petit. Sauf si je te force, genre. Non, tu me forceras pas, puis je le referai pas. Tellement. Non. Ok. Et que t'es dur à convaincre. Non, fais-le. Tout de suite, fais-le, parce que sinon. Ça marche plus. T'es plus animatrice des parleurs assez fous. C'était non, numéro 1. Oh oui. C'était non, numéro 1. Ça mérite un gif animé, ça. Ouais! Yeah. Donc, c'était le numéro 1 Creature avec Brigitte Bardot qui monte de 3 places du côté anglophone. Puis du côté francophone, on avait Les Gigolos avec La Guerre du Monde. Très, très bonne pièce. Oui, ben nos deux très bonnes pièces, en fait. Hein. C'est pas pour rien que c'est au numéro 1. Ben voilà, c'est la crème, ça monte vite, ces affaires-là. Les belles petites bêtes, là, oh, c'est tellement beau. C'est comme des animaux de compagnie. Nous autres, c'est tellement le fun, tes petits jeux de mots comme ça. Il nous reste une quinzaine de minutes au Palmarès C'est Fou avec Virginie Cossette et Mathieu Plante. Et les 15 minutes ben, de la fin sont toujours consacrées à des activités parascolaires quand on a le temps. Ouais, ben ouais. On va te faire des échecs. On va faire quoi? Des échecs. Des échecs. T'avais pas ça comme activité parascolaire? Pas tellement c'est l'échec, moi. Non. Je suis plus genre écouter de la bonne musique. Ouais, moi aussi. Ouais. Je vais faire entendre du Bonjour Brumaire, une deuxième pièce, hein, parce que je capote sur Bonjour Brumaire, pour vrai, là. J'adore ça. Et moi, de mon côté, je capote sur Carquois. Bon. Ben, faisons-en jouer. Commençons par Carquois. Oublie pas. OK. Oublie pas quoi? Oublie pas. Elle n'oublie pas que c'est la meilleure émission en Mauricie au complet, après voilà. La porte à gauche qui est au numéro 1. Vous entendez-tu, c'est les palmarès, c'est fou. Elle m'a dit tu repars sans que je t'arrête, sans lever les bras, sans baisser les yeux. Arrive en retard, trouve une défaite. Dis-toi que j'y crois, fais ce que tu peux. Ma prunelle, ma prunelle, oh oh oh. te souviens-tu de ces gestes? Lentement échappé. Bonjour Brumaire et Prunelle, c'est tellement bon. Bonjour Brumaire, je capote, comme on dit, l'album s'appelle De la nature des foules. Pendant que je suis seul quelques minutes, voici la chronique Le Plancher. Et en fin de compte, je ne suis pas tout seul, Virginie est de retour. Hein, c'est tellement prévu ces affaires-là, on aime ça. Oui, on aime ça. Tour du monde, des gens stupides qui font des choses stupides. On commence avec un maire qui lance une vaste opération pour retrouver son chat. Le maire de North Arlington au New Jersey a envoyé un message téléphonique automatique à 8500 de ses administrés pour leur demander de l'aider à retrouver son chat disparu qui a finalement été découvert dans sa maison. Max, le matou de 9 kilos, a été retrouvé à l'intérieur d'un mur de la propriété du maire jeudi matin, a indiqué la femme de l'édile. Monsieur Massa avait fait envoyer mercredi les messages automatiques du même type que ceux habituellement utilisés par les hommes politiques pour solliciter le soutien des électeurs lors des élections aux États-Unis, mais cette démarche s'est finalement avérée inutile. Madame Massa a expliqué que son fils a entendu Max disparu 2 jours plus tôt sur les coups de 5 heures jeudi et qu'ils sont partis à sa recherche. Ils l'ont retrouvé sous un escalier où il s'était apparemment faufilé par un trou de 50 cm. Ok, je tiens à préciser que 9 kilos, c'est 19,8 livres. Tu connais ça par cœur, des affaires comme ça, toi? Je l'ai calculé. OK. T'as pas grand-chose à faire de tes journées si tu connais ça. La maison est actuellement en rénovation et Max, un chat d'intérieur qui n'avait jamais fugué, aurait pu être effrayé par le bruit des travaux. Ensuite, une amende pour avoir appelé plus de 6000 fois au 911. Un Roumain a écopé d'une amende d'environ 225 $ canadiens pour avoir placé 6442 appels à un numéro d'urgence entre novembre et janvier dernier, apparemment dans le seul but d'injurier les téléphonistes. L'homme de 24 ans, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a écopé de cette amende après qu'un examen eut déterminé qu'il ne souffrait pas d'une maladie mentale. Le quotidien roumain rapporte toutefois que sa mère l'a décrit comme un solitaire. Elle l'aurait fréquemment vu parler au téléphone, mais sans savoir avec qui il conversait. Ce même quotidien précise que l'homme a utilisé un téléphone muni d'une carte prépayée pour appeler le numéro 112, qui est l'équivalent là-bas du 911, afin de camoufler son identité. Les autorités roumaines affirment que 90% des appels placés au 112 sont soit des canulars, soit des affaires banales. En novembre, l'Union européenne, dont la Roumanie est devenue membre en 2007, a menacé Bucarest de sanctions si le système 112 n'est pas amélioré. La Roumanie affirme que le système sera en mesure de le faire dès cet été, c'est-à-dire identifier les demandeurs qui utilisent un téléphone cellulaire. Voilà. Et finalement, pour disqualifier son rival, un chantre d'une synagogue en Israël a eu recours à un moyen fort peu orthodoxe, envoyer une jeune femme pour le séduire et filmer la scène, selon des sources policières. Le cantor Israël Rand, qui dirige une école de chantre près de Tel Aviv, est sous le coup d'une enquête judiciaire après avoir avoué avoir envoyé une jeune femme dont il avait loué les services pour appâter son rival. Il avait ensuite rendu public des photos compromettantes et adressé une lettre à la direction de la grande synagogue de Jérusalem pour dénoncer le comportement de son rival. Le chantre qui officie dans cet édifice et qui a dû quitter ses fonctions suite à ce scandale. Le chanteur Israël Rond a été averti qu'il risquait une inculpation pour chantage et menace. Son rival espère pouvoir chanter à nouveau aux offices de la grande synagogue. Alors, ce qu'on pourrait faire pour éliminer des gens? Pas facile. C'est pas gentil du tout, ça. Non. Non, vraiment pas. On va l'entendre, si tu le veux bien, Virginie, pour terminer cette belle émission. Un remix de la pièce « Je pense à qui 2 » de Polyp. Oh! C'est le Ctrl-Alt remix. Et restez avec nous parce que plus tard, à la dernière porte à gauche, on va apprendre qu'il va y avoir un autre remix qui va jouer. Oh! Dans le fond, on va entendre les deux. Et on aime Polyp. Pense donc à moi. Écoutons la don, la chanson. Hein? Faut le dire des fois. Penser mon temps à penser à toi. à toi. Moi, le père m'entend trop bien que quadre chez moi. Laisser circuler mon sang sans faire semblant que c'est blanc en moi. Est-ce qu'il y a autre chose que toi et moi pour penser mon temps à penser à toi? M'empêcher de me fouer mon seul but présent par terre, c'est moi qui me parle de toi. Ce qu'on aurait pu être si j'avais su être un être d'exception. Est-ce qu'il y a autre chose que toi et moi pour penser mon temps à penser à toi? Pourtant je devrais pas m'en faire, je suis si loin de la fin de mes aventures avec de belles créatures aussi jolies que toi, sinon encore plus que je pourrais le croire. Est-ce qu'il y a autre chose que toi et moi pour penser mon temps à penser à toi? Est-ce qu'il y a autre chose que toi et moi pour penser mon temps à penser à Polyp avec un remix Ctrl-Alt, remix de la pièce Je pense à qui 2. Donc, c'est Polyp remixé par Ctrl-Alt, qui est une formation que vous pouvez retrouver sur MySpace au myspace.com/Ctrl-Alt écrit en lettres au long. C'est beau, hein? Ouais, c'est très très beau. C'est un beau remix. Voilà, c'est la fin des Palmarès. C'est fou. On va faire, Virginie et moi, un petit résumé rapide de ce qui s'est passé dans... en fait, on va faire le top 3. Ça te va? D'accord. Du côté anglophone, la troisième est descente d'une place pour Guilt by Association de la formation Louis XIV. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1 Won't Be Long de The Hives. Et le numéro 1 monte de 3 places, Brigitte Bardot, The Creature. Du côté francophone, en troisième position, on avait Zurung avec 1981. En deuxième, Danny Placard avec Slush. Et en première, c'est stable depuis cette semaine, Les Gigolos avec La Guerre des Mondes. On aime toutes ces pièces. On adore. Comme nos enfants. Quelqu'un qu'on aime aussi, mais pas comme notre enfant, comme notre collègue, mais en tout cas qu'on aime beaucoup. Kiwan. Vous m'aimez comme votre enfant, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Là. OK. OK, bon, ben va faire ta chambre, puis après, on parlera. Kiwan qui anime la dernière porte à gauche, juste après nous, à 20h, les vendredis soirs. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe à l'émission ce soir? Pas eu beaucoup de nouveautés cette semaine, hein, côté francophone, à part remix de Polyp. Donc, je vais l'écouter en même temps que les auditeurs tantôt, parce que j'ai pas vraiment entendu les autres remix de Polyp. Puis sinon, il y a eu en masse de nouveautés dans les dernières semaines. Là. Philippe B, Bonjour Brumaire, Carquois, tout ça. Ça va se retrouver dans l'émission aujourd'hui. J'ai très hâte d'entendre ça. C'est toujours de la bonne musique, là, dans la porte à gauche. Ben oui. Les vendredis soirs à 20h, on rappelle. Les jeudis à 13h et les samedis à 16h. Pour l'instant, après ça, ça va jouer 24h sur 24. On boucle tout l'été. Ouais. Ça va être beau, là, dans la porte à gauche. Kiwan, merci. Merci à vous. Virginie. Mathieu. Ah, c'est la fin déjà. Déjà. Ah, que c'était la meilleure émission au monde. Hein, oui, comme toujours. Puis 3h, ça passe toujours rapidement. Tout à fait. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, les vendredis soirs à 17h. Cette semaine, on se reprend en reprise le mercredi parce que ça va être l'émission spéciale avant d'aller jouer dehors de 13h à 18h. On va être en reprise lundi. Oui. Donc, écoutez-nous à partir de 13h. Jusqu'à la semaine prochaine, on se quitte et on se dit bonne semaine et bonne chance. Bye, Virginie. Bye, Mathieu. Prends soin de toi. Là. Merci. Laisse-t'en faire les déclarations d'amour. Soit on se pogne dans un barin, soit bigon. Excuse-moi et ton discours est un peu lourd. Une fois n'est pas que tu m'aides, mais pas toujours. Chérie, c'est pas à cause que je viens, c'est ton visage. T'es obligé de te mettre à me parler de mariage. Tu es vraiment censé te passer aux douanes bag juste parce que des fois tu me sers de sperm bag. I'm a boy. d'engagement. Plus chic que ça, déménagement. Laisse faire le love, le logement. Quand j'aime vraiment logement. Maintenant, tu m'intéresses, c'est mon bien-être. T'inquiète, coquette, ta conquête, c'est de fête. L'idée, liberté, libellique, ça rebête. Regarde-moi pas, même avec ton invite. One, two, one, two, one, two, take. Je m'en fous, donne-moi un break. J'm'ajoute, j'm'ajoute, j'm'ajoute fake. Ça coûte patience pour pricing. One, two, one, two, one, two, take. J'm'en fous, donne-moi un break. J'm'ajoute, j'm'ajoute, j'm'ajoute fake. Ça coûte patience pour pricing. One cat, three girls in my bed. Rumors mad thank you, just once a bit. I be cool out my window with it. You don't hate me. I be girlfriend garbage, so that's why ain't nobody gonna date me. Three whole feet of vibe around this park, cause I'm petrified crazy. Be committed hard, but all that kind, so I earn it. Got me burning, till it builds up so hot, so hot, so hot. Arrête de m'écarrer sur MySpace. Va pas m'énerver, pas une histoire de bass. C'est lourd quand tu passes. Ça paye, j'veux plus t'attendre. Yo, DJ, turn up the bass. Bon, fait que toi, assois, pour quoi. Prends tes clics, va te rasseoir, pis bois. J'veux pas t'en faire, à quoi. Si on le fait, on va le faire, la noix. Tu m'intéresses pas, pas de tout. Tu me stresses, un point, c'est tout. Pense pas que tu me blesses. J'm'en vais plutôt, tu restes. La prochaine fois, j'vais te voir, j'vais t'éviter. Sur MSN, j'vais déliter. Ton débit, débit, ta débilité. Le seul qui est que oui.